acheter, vous donnez ensuite quelques techniques qui sont les plus couramment utilisées en médecine physique et réadaptation. Nous allons voir ensemble après comment faire un examen clinique en rééducation fonctionnelle, en médecine physique et réadaptation, et c'est un examen clinique qui diffère un petit peu des autres spécialités. Et on terminera par quelques indications de la médecine physique dans la pathologie d'orthopédie. OK? Donc on va commencer par introduire le cours et par donner la définition de la médecine physique et réadaptation. Donc, comme je l'ai dit au début, la médecine physique et réadaptation, c'est une spécialité à part entière. D'accord? C'est-à-dire que vous pouvez la faire dès que vous terminez votre cursus. Si vous faites, vous passez déjà dans votre concours de résidanat, vous pouvez donc la choisir en spécialité. C'est une spécialité à part entière. Cependant, cette spécialité, elle a certaines particularités. D'accord? Je sais que vous l'avez déjà remarqué, c'est une spécialité qui est généralement, on dit que c'est une spécialité, pardon, qui est thérapeutique. Vous l'avez remarqué, le mot rééducation fonctionnelle survient dans, toujours, très bien, dans le volet thérapeutique. Pourquoi? Parce qu'en médecine physique et réadaptation, on ne traite pas l'affection elle-même. On traite les séquelles qui découlent de cette affection. De ce fait, le malade doit passer en premier lieu chez son médecin traitant. Si on prend l'exemple, par exemple, d'orthopédie, puisque vous faites de l'orthopédie, le malade qui se fait fracturer, il ne va pas directement chez le médecin rééducateur, bien sûr. Il doit passer par son médecin, qui est l'orthopédiste, qui va traiter donc cette fracture, et ensuite, après consolidation, il intervient donc en second lieu la médecine physique et réadaptation. C'est pour ça qu'on parle de, qu'on dit que là, cette spécialité est beaucoup plus thérapeutique, parce qu'on ne va pas chercher à faire un diagnostic, à faire un examen clinique et étiologique pour faire un diagnostic, mais traiter déjà une pathologie qui est déjà connue. OK? Là, c'est un point essentiel. Le deuxième point dans la médecine physique et réadaptation, c'est une spécialité qui touche à plusieurs autres spécialités. C'est-à-dire qu'un spécialiste en médecine physique et réadaptation doit avoir des notions qui sont très variées. En orthopédie, des notions d'orthopédie, des notions de rhumato, des notions de par exemple, de pneumo, des notions de neuro. OK? Donc, il doit avoir des notions, parce que dans le programme du médecin spécialiste en rééducation, il a un programme de rhumato, il a un programme d'orthopédie, il a un programme de neuro. Donc, ça touche un petit peu beaucoup de spécialités. OK? Est-ce que c'est clair? Maintenant, si je veux définir c'est quoi cette spécialité ou cette rééducation fonctionnelle, je dirais que c'est un ensemble de techniques qui vise à corriger les atteintes associées à une infection, et ça résume ce que j'ai déjà dit. Puisque la rééducation, la médecine physique de réadaptation, c'est un ensemble de techniques qui vont être utilisées dans le but de traiter certaines séquelles qui sont liées à une affection qui est bien précise. D'accord? Par exemple, je vous donne un exemple pour bien comprendre. On n'adresse pas, par exemple, un malade en médecine physique en réadaptation pour une gonalgie. D'accord? Gonalgie, c'est un symptôme. Et ça peut toucher plusieurs affections. D'accord? Une arthrose peut donner une gonalgie. Une arthrite peut donner une gonalgie. Une atteinte inflammatoire dans le cadre de la polyarthrite rhumatoïde, par exemple, peut donner une gonalgie. Un traumatisme peut donner une gonalgie. Et là, on ne va pas traiter, nous, la gonadie. On doit traiter des lésions qui découlent d'une affection, par exemple, d'une gonarthrose, ou bien des séquelles d'une fracture qui donne, bien sûr, des gonadies. Vous arrivez à comprendre? OK. Maintenant, quels sont les objectifs de cette médecine physique et réadaptation? Le but principal de la médecine physique et réadaptation, c'est l'autonomie. Donc, on travaille tous dans le but de redonner une certaine autonomie, qu'elle soit la plus proche possible de la normale. certaines affections peut donner un handicap et on doit l'aider à se réinsérer dans son environnement, que ce soit social, dans sa maison ou bien dans sa profession. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez pas? C'est clair? Donc c'est ça grossièrement ce que c'est que la médecine physique et réadaptation. On passe, comme je l'ai déjà dit, aux moyens thérapeutiques. Quels sont les moyens qui sont utilisés pour arriver à donner de l'autonomie? Silence, s'il vous plaît. Mademoiselle. Alors, quels sont les moyens qu'on va utiliser en médecine physique et réadaptation pour aboutir au plein temps à cette autonomie qui est recherchée? Donc, elles sont multiples et très variées. On ne peut pas les citer tous dans un cours, c'est sûr, mais j'ai essayé de vous donner les techniques qui sont les plus couramment utilisées. Nous allons voir aussi, ensemble la masso-kinésithérapie, c'est-à-dire le massage, la kinésithérapie. Nous allons voir la physiothérapie, l'ergothérapie et avoir donc une idée sur l'appareillage. Ok? Bien sûr, ces différents moyens qui seront adaptés en fonction de la pathologie, en fonction du patient et en fonction de l'examen clinique qui est donné par le médecin. Commençons par les techniques passives. Les techniques passives, c'est quoi les techniques passives? Le mot passif, ça sous-entend que c'est le kiné qui va appliquer la technique au malade. Ça ne nécessite pas vraiment une vigilance du patient. D'accord? On peut faire de la rééducation pour quelqu'un qui est comateux, par exemple. On peut le mobiliser malgré qu'il n'est pas conscient. Ça diffère des techniques actives qui nécessitent donc la conscience du patient. C'est pour ça qu'on a classé ces différentes techniques dans le cadre des techniques passives. La première technique, c'est le massage. Le massage, il joue un rôle très important dans la prise en charge en médecine physique et réadaptation. Généralement, on introduit tout traitement en médecine physique et réadaptation par le massage. Il a des effets qui sont très importants, puisqu'il peut donner un effet antalgique, il peut donner donc un effet décontracturant, il peut donner, donc on peut l'utiliser aussi dans le cas où il y a des cicatrices qui gênent la mobilisation, donc on peut libérer ces cicatrices-là, et on peut faire aussi des drainages lymphatiques pour lutter contre le nerf, qui est aussi un facteur qui peut nous gêner dans le traitement, dans la mobilisation articulaire et le travail musculaire. Donc vous voyez, le massage, il peut avoir un but contagieux, détente, ou bien il limite les adhérences. Il y a plusieurs types, bien sûr, de massage. C'est tout un monde. Donc il peut y avoir des massages qui sont, par exemple, effleurage, et dans le but de ce massage, il est à part. Il peut y avoir pétrissage, il peut y avoir le massage transverse profond qui a son indication bien spécifique, surtout dans les tendinites. Donc, c'est très varié. OK? Le drainage lymphatique aussi, ça rentre dans le cadre du massage. C'est pour drainer le derme. OK? Donc, ce drainage lymphatique, il peut être soit manuel, on peut le faire soit manuellement, ou bien on peut le faire par cet appareil, c'est l'appareil de pressothérapie. D'accord? Il existe, ça c'est un appareil pour le membre inférieur, et il existe aussi un autre appareil pour le membre supérieur. Okay? Donc le drainage lymphatique, c'est aussi un drainage de l'œdème. Ça, c'est la première technique qui entre, comme je dis, dans le cadre de technique passive. La deuxième technique passive, c'est la physiothérapie. C'est quoi la physiothérapie? C'est comme son nom le dit, c'est utiliser des agents physiques dans un but thérapeutique. Les agents physiques à vie peuvent être de la chaleur, de la froideur, c'est-à-dire par exemple de l'air, le mouvement, l'eau, tout ça, ce sont des agents physiques qu'on peut utiliser donc, dans un but qui sont bien précis. C'est pour ça qu'on parle de physiothérapie, de l'électricité bien sûr. Et dans la physiothérapie, je vous ai cité l'électrothérapie, la thermothérapie, indication principale. La première indication, c'est lutter contre la douleur, donc une indication qui est antalgique. D'accord? Par l'électrothérapie, on peut lutter contre la douleur. Il y a des courants qui sont spécifiques pour ça. Il y a des courants excitomoteurs. D'accord? Qu'on peut utiliser, par exemple, lors d'une atteinte nerveuse. Ok? Soit on stimule le nerf, ou bien on stimule le muscle qui est dénervé, qui va entraîner une amyotrophie. Donc on va provoquer un renforcement d'un muscle qui est déjà dénervé. Donc elle a deux actions principales, antalgique et électrostimulateur. La thermothérapie, c'est l'utilisation de la chaleur. Ok? Tout type de chaleur. Donc c'est, on applique de la chaleur comme la fongo, les vessies, comme les vessies de glace, on peut mettre dedans de l'eau chaude, d'accord, des poches qu'on met de l'eau chaude et qu'on applique au niveau d'une articulation, ça aussi c'est une source de chaleur. Et le but aussi, c'est généralement dans un but antalgique. La cryothérapie, c'est l'utilisation du froid. C'est les fameuses vessies de glace, ok? Vous le faites tous, c'est l'application du froid lorsqu'il y a une inflammation, une douleur avec inflammation, donc on peut appliquer contre la vessie de glace. Vous devriez appliquer, ne pas dépasser, généralement on ne dépasse pas les 10 minutes pour ne pas avoir le réflexe moment. Et bien sûr, au cours de la journée, vous pouvez refaire ça deux ou trois fois quand vous voulez. Mais l'essentiel est que l'application du froid ne doit pas être faite directement sur la peau, il faut toujours intercaler un blanchant, ok, et ne pas dépasser les 10 minutes. Ça, c'est sur le plan pratique. L'immobilisation passive aussi entre dans le cadre des techniques passives. L'immobilisation. J'entends quelqu'un qui dit, qu'est-ce qui se passe? Silence, s'il vous plaît. Si vous ne voulez pas, c'est la porte à l'autre ouverte. J'ai dit que ça ne sera pas. On ne va pas passer et s'éterniser ici. Alors, l'immobilisation passive aussi entre dans le cadre des techniques passives. On a plusieurs types, les manuels, les postures, les autopassives et les immobilisations par ordre. Je vais vous expliquer chaque heure. Donc, quand on dit immobilisation passive, ça veut dire que c'est le kinésithérapeute qui va mobiliser l'articulation. Ce n'est pas le patient lui-même qui va mobiliser son articulation. Okay? Donc c'est le kiné qui va donc prendre l'articulation du patient et la mobiliser. Le but essentiel de ces mobilisations passives, c'est lorsqu'on a une raideur. D'accord? L'indication principale, c'est lorsqu'on a une raideur ou bien des attitudes vicieuses qu'on veut corriger. Okay? On corrige une raideur ou bien des attitudes vicieuses. L'immobilisation passive manuelle, c'est clair. C'est-à-dire avec la main. Par les mains. Avec la main. Donc, on prend le segment de bras et on mobilise avec la main. Le kiné, il fait ça directement avec ses mains. Les postures, c'est toujours avec les mains, mais là, on a un étirement des éléments périarticulaires. D'accord? Ça diffère. Ça diffère des mobilisations manuelles par le fait qu'on doit maintenir la position à un certain moment. D'accord? On va étirer, ensuite maintenir, ensuite refermer. C'est là la différence entre les manuels. C'est toujours manuel, mais là, avec étirement des éléments, c'est toujours dans le cas donc, des raideurs. Les autopassifs, c'est dans le cas où il y a donc la polythérapie. C'est-à-dire qu'on va faire donc, un système par lequel le malade qui a un problème, par exemple, au niveau du côté droit, va mobiliser lui-même par son côté sain, par son membre sain, et va mobiliser le membre qui est malade. Et c'est pour ça qu'on parle auto, parce que c'est lui-même auto-passé. Oui. C'est lui qui va appliquer ce système de polythérapie et il doit toujours contrôler ses mouvements. D'accord? C'est toujours bien dit. Par arthromoteur, l'arthromoteur c'est un appareil qui joue le rôle du kinésithérapeute. Donc le kinésithérapeute va installer ce malade dans le kinéthère ou l'arthromoteur et il va, c'est une mobilisation qui est motorisée. Donc l'appareil qui va faire la mobilisation fonctionne. D'accord? C'est pour ça qu'on parle donc de mobilisation par promoteur. Et vu le nombre de malades chez les kinés, généralement, il fait donc il le fait par promoteur. Là, c'est les techniques qu'on a déjà vues, ce sont des techniques passives, c'est-à-dire que le malade, va faire des techniques lui-même. Dans les techniques passives, dans les techniques actives, là, la conscience du patient et la coopération du patient elle est essentielle. On ne peut pas faire de la kiné active sans qu'il y ait une coopération du patient, sans qu'il y ait donc un état de conscience qui est correct. Le but principal de ces techniques actives, c'est des buts de renforcement musculaire. D'accord ? C'est juste, c'est pour renforcer donc, un déficit musculaire. Mais toujours, toujours sous le contrôle du kinésithérapeute. Donc, c'est vrai, le kinésithérapeute, c'est le patient qui va faire ses mouvements, mais toujours contrôlé par le kinésithérapeute. C'est des exercices qu'il va apprendre et qu'il va faire. Okay? L'appareillage orthopédique, ce n'est pas comme l'appareillage planté que vous avez fait déjà hier. L'appareillage orthopédique, il nous aide. Il est d'une aide très importante dans la consultation de médecine physique et réadaptation. On l'utilise beaucoup dans la consultation. Il existe trois types d'appareillages. Donc, on a des orthèses, des prothèses et des épicules. Alors, les orthèses. La première gamme, c'est les orthèses. Les orthèses, c'est des appareils qui tendent à supplier une fonction ou bien corriger une attitude. Okay. Bon, je vais vous donner des exemples. Okay. Donc, soit que vous avez une fonction déficitaire, comme par exemple un déficit des releveurs, par exemple, vous allez mettre une orthèse qui va jouer le rôle de ces releveurs. Okay. Là, il va suppléer une fonction. Soit que vous avez, par exemple, une déformation quelque part, que ce soit du rachis ou bien des articulations, cette orthèse-là va corriger. Okay. Par exemple, vous allez faire la polyarthrite rhumatoïde, il y a des déformations au niveau des mains. Donc, il y a des orthèses qui sont bien spécifiques, qu'on prescrit pour ces malades-là, pour maintenir les ventres, ou pour éviter les coups de vent cubitales ou bien radiales. Là, elle va corriger une attitude vicieuse. Par exemple, lorsque vous avez une déformation du rachis, comme par exemple une scoliose ou bien une syphose, là, vous allez. Voilà, le corset, c'est une orthèse du tronc. Okay? Vous allez essayer de corriger au maximum cette déformation par une orthèse qui est l'orthèse du tronc. De là, on dit qu'on a des orthèses des membres supérieurs, des orthèses du tronc et des orthèses des membres intérieurs. Un exemple d'orthèse des membres intérieurs, je vous ai mis là des photos pour avoir une idée. Vous avez en haut, c'est là l'orthèse de repos, on prescrit de la main qu'on prescrit chez le patient qui a une polyarthrite rhumatoïde. Là, vous avez un grand appareil de marche que vous voyez généralement chez les patients qui ont une paraplégie. D'accord ? Vous voyez des gens qui ont paraplégie, surtout la polio. Donc, soit ils ont soit un grand appareil de marche unilatéral, d'un côté, ça dépend ce qu'il a. S'il a une monoplégie, il a un grand appareil un seul. S'il est paraplégique, bien sûr, il en a deux, comme c'est le cas ici. Donc, c'est le grand appareil de marche. Là, vous avez une orthèse de tronc, d'accord, un corset, c'est un corset. Là, vous avez des orthèses plantaires qui sont des semelles orthopédiques qui corrigent les pieds plats, les pieds, les pieds creux, d'accord. Ce sont des orthèses plantaires, qu'on appelle des orthèses plantaires. Là, vous avez aussi un corset, c'est le corset chenou qui corrige la scoliose, ok. Là, vous avez une orthèse qui corrige un équin, elle met en posture la cheville à 90 degrés, d'accord. Et là, vous avez, avec la chaussure, c'est un petit appareil de marche. Le petit appareil de marche, c'est une orthèse qu'on indique chez les gens qui ont une paralysie distale, c'est-à-dire qui prend la jambe et le pied, d'accord. Lorsque vous avez une paralysie qui est haute, qui prend tout le membre, vous indiquez le grand appareil de marche. Et lorsque vous avez seulement une atteinte au niveau de la jambe et du pied, là, vous indiquez le petit appareil de marche qui pied en bas avec, bien sûr, associé donc à une chaussure orthopédique. C'est ça ce qu'on appelle les orthèses. Donc, leur but, c'est corriger ou bien suppléer en fonction. Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Oui. Les prothèses. Les prothèses, ils ne vont pas suppléer ou corriger, ils vont remplacer. Donc, la différence entre prothèse et prothèse, c'est que la prothèse, elle va remplacer un segment de membre. Elle est indiquée généralement dans les amputations. Que ce soit une amputation du membre supérieur ou bien une amputation du membre inférieur. Voici des exemples de prothèses. Vous voyez. Donc, vous voyez que c'est suivant le niveau d'amputation. La première qui est la plus grande, là, c'est une. Le niveau d'amputation, vous devinez quoi? C'est-à-dire une désarticulation de la hanche. C'est la prothèse canadienne, qu'on appelle une prothèse canadienne. On l'a fait avec un porcelet. Là, c'est une carrément, il n'a ni hanche, ni genou, ni pied. Okay? C'est une désarticulation de la hanche. La deuxième. Déjà fémur terme, il faut s'en déjà aussi. L'amputation, elle est au niveau de la cuisse. La cuisse. Donc, c'est au niveau de la cuisse d'amputation. Puisque l'envoiture qui est en haut, elle va prendre le moignon de la cuisse qui est amputé. Et vous avez le genou prothétique. C'est le genou qu'on a au milieu. C'est un genou prothétique qui lui permet de faire la flexion et l'extension. Okay? Donc, la deuxième, l'amputation, elle est au niveau de la cuisse. La troisième, c'est plus bas, c'est au niveau de la jambe. Ok? Et là, c'est au niveau presque du pied. Elle est encore plus bas. Donc, vous voyez que ça diffère suivant le niveau de l'amputation. Voici pour le membre supérieur. J'ai fait exprès pour vous montrer donc les prothèses pour le membre inférieur. Bien sûr, vous voyez ici la prothèse avant qu'elle soit couverte du membre inférieur. Puis, on va la couvrir avec de l'éponge, hein, avec un genre de bas, pour donner l'aspect donc, d'un membre. Mais au début, elle a, donc, elle est tubulaire, c'est un tube donc, au milieu. Pardon? Alors, les aides techniques, c'est quoi? C'est des appareils qui nous aident à nous déplacer. C'est ça. Ok? Ça peut être des câbles, ça peut être des fauteuils roulants. Donc, c'est des appareils qui vont nous aider donc, à nous déplacer. Soit des câbles qui facilitent, donc, comme je l'ai dit, donc, ils facilitent le déplacement. Voici des aides techniques. Vous avez le fauteuil roulant. Vous avez, pour faire juste la différence, entre une canne axillaire, une canne anglaise ou canadienne et une canne simple, d'accord? Là, vous avez la canne axillaire, c'est celle-ci, là où il y a un appui axillaire. C'est ce qu'on appelle les béquilles. Voilà. La béquille, c'est la canne axillaire. OK? Mais ces cannes en couleur, ce sont les cannes anglaises ou cannes canadiennes avec un appui antébrachial. OK? C'est des cannes anglaises ou bien canadien, pour faire la différence, ok? Et en bas, c'est le cadre de marche, ou déambulateur, et vous avez des cannes simples et des cannes tripodes, avec trois prix, ok? C'est les cannes tripodes, ou bien des cannes, la canne simple, c'est les cannes des grands-papas et des grands-mamans. Ok, c'est ça, c'est ce qu'on appelle les aides techniques qui vont donc aider le patient dans son déplacement. On les utilise, on les prescrit couramment dans la consultation de médecine physique et réadaptation. C'est clair, vous faites la différence quand même entre prothèse, prothèse et aide. La deuxième, donc, on a parlé des techniques passives, on a parlé des techniques actives, on a parlé de l'appareillage. Donc, les techniques en utilisant l'éducation. Et on va terminer par l'ergothérapie. L'ergothérapie est un moyen aussi, c'est un autre moyen de médecine physique et réadaptation. Mais là, il faut savoir que il y a le kinésithérapeute, il y a l'ergothérapeute. Donc, okay? Là, le premier qui est le kinésithérapeute, il va temps, il va donc, s'il y a un douleur, s'il y a un œdème, s'il y a une raideur, s'il y a une amyotrophie, il va donc la faire. Le deuxième ergothérapeute, il va intervenir après. Qu'est-ce qu'il va travailler, lui? Il va travailler le geste, le mouvement. Il va le rendre plus efficace. Améliorer. Voilà. Donc, il va améliorer l'autonomie du patient. D'accord? Si par exemple, un hémiplégique restant dans la comato, si par exemple, quelqu'un qui a un traumatisme des nerfs, une lésion au niveau du poignet, ok? Donc, il a touché son nerf médian, il a touché son nerf cubital, ok? Et il garde un certain déficit qui ne lui permet pas d'utiliser son membre. L'ergothérapeute va l'aider à utiliser son membre, par exemple, dans les activités de la vie quotidienne. D'accord? Et s'il persiste, il a un handicap qui persiste et qui n'a pas une récupération, il va l'aider dans la réintégration professionnelle. Okay? Et l'ergothérapeute peut même entrer dans la maison du patient pour l'aider avec des aides techniques aussi. Il utilise l'ergothérapeute, il utilise aussi l'appareillage. Donc, avec des aides techniques, lui montrer comment il doit travailler dans sa cuisine, comment il doit faire ses déplacements, par exemple, du fauteuil roulant, par exemple, pour quelqu'un qui est sur le fauteuil roulant, comment il se déplace du lit au fauteuil roulant, du fauteuil roulant au lit, comment il sort en dehors, d'accord, comment il se met du fauteuil roulant dans sa voiture, dans sa voiture, dans le fauteuil roulant. C'est ça, donc, il va jouer sur le geste, sur l'autonomie du patient. C'est ça, l'ergothérapeute. Généralement, le travail commence avec le kinésithérapeute et on termine par l'ergothérapeute. Et les techniques qui sont utilisées par l'ergothérapeute ne sont pas les mêmes techniques qui sont utilisées par le kinésithérapeute. L'ergothérapeute, il va utiliser des moyens qui sont ludiques, des moyens ludiques, c'est-à-dire des jeux, comme par exemple le domino, les échecs, d'accord, d'autres types de jeux. Il va utiliser aussi des comme la poterie, d'accord, des techniques artisanales, le tissage, la poterie, la peinture par exemple. Donc, les moyens qu'utilise l'ergothérapeute ne sont pas les mêmes qui sont utilisés par le kinésithérapeute. Mais le but principal, c'est toujours l'autonomie du patient. Voici des exemples donc, de travail de l'ergothérapeute. Voilà. Là, il est en train de lui apprendre comment écrire. Là, elle est dans la maison du patient pour lui montrer comment il travaille dans sa cuisine. Et là, elle utilise des jeux donc, pour favoriser son autonomie. Le bilan en rééducation, c'est l'équivalent de l'examen clinique dans les autres spécialités. Cependant, en médecine physique et réadaptation, on ne fait pas le même examen clinique. C'est un autre. Donc, pour comprendre, je vous donne toujours un exemple. Si par exemple, un patient qui arrive au service de médecine physique, et on fait déjà une fracture de la rotule, par exemple, opérée, okay, donc elle est consolidée, il est orienté par une aide au service, il doit passer par la consultation du médecin avant de passer dans le plateau technique qui est pris en charge par le kinésithérapeute, puisque c'est le médecin qui doit indiquer les techniques et le kinésithérapeute doit apprendre. Okay? Parce que même les techniques de rééducation, ils ont des indications, des contre-indications. D'accord? C'est comme les traitements, c'est comme les médicaments. Okay? Donc, il doit passer par le médecin, il doit faire son dossier, bien sûr, parce qu'il doit l'examiner. Et cet examen, donc, quand on fait un bilan visionnaire, c'est quoi un bilan visionnaire? Par exemple, un bilan de la douleur, il faut qu'ils connaissent, est-ce que c'est une douleur qui est inflammatoire, une douleur qui est mécanique, le siège de la douleur, les causes de la douleur, pour la traiter bien sûr. Il doit faire un bilan articulaire, c'est-à-dire les amplitudes articulaires, donc il doit mobiliser par exemple si c'est le genou, je dois voir est-ce qu'il a une raideur ou pas, je dois voir par exemple la flexion elle est à combien en utilisant un goniomètre. La flexion elle est à combien, l'extension elle est à combien, et ça va nous permettre pour plus tard cet examen va me permettre de suivre l'évolution après le traitement, ok? C'est ça le bilan articulaire. Il y a aussi le bilan de l'amyotrophie. On met est-ce qu'il a une amyotrophie, est-ce qu'il a un œdème, est-ce qu'il y a une cicatrice, ses caractéristiques, est-ce qu'il y a une rougeur, tout ce qui concerne le bilan de l'amyotrophie, on doit le mettre. musculaire, un testing. Est-ce qu'il y a une atrophie? On doit tester les muscles qui sont amyotrophiés pour voir à peu près la rotation, d'accord? Et pour ensuite mettre le traitement nécessaire. C'est ça le bilan lésionnel. Donc, toutes les lésions avec lesquelles le patient va arriver, on doit les mettre dans notre observation. Ensuite, on passe au traitement, au bilan fonctionnel, c'est-à-dire si c'est un problème des membres inférieurs, on va voir comment il se déplace. Est-ce qu'il est venu avec deux cannes, avec une canne, il marche tout seul, on doit tout ça préciser sur le fauteuil roulant, on doit le préciser. Et on termine, si c'est le membre supérieur, c'est bien sûr le bilan fonctionnel de la main, les préhensions, que ce soit tout ou global. Okay? Et on termine par le bilan situationnel, c'est faire la situation du patient. Qu'est-ce qu'il a en déficience? Donc, après tout ce bilan, quelles sont les déficiences qu'il a? Et suivant ces déficiences-là, on va faire mettre un programme de rééducation. Okay? On va utiliser telle ou telle technique pour corriger telle ou telle lésion. C'est pour ça que chaque patient a ses techniques propres à lui. L'examen clinique va différer selon l'examen du patient. D'accord? Même si s'ils ont tous les deux la même fracture, le même type de fracture, le même traitement, il peut y avoir le bilan de ce malade différent de ce bilan de ce malade. Et donc, les techniques qui seront utilisées seront différentes. C'est pour ça qu'il est très important d'examiner le patient. Le deuxième but de cet examen, bien sûr, c'est de suivre l'évolution. Si j'ai un bilan initial, après une séance de rééducation, je reprends mon bilan et je vois ce que ça a donné ou pas. Est-ce que je dois changer de technique ou bien je garde les mêmes techniques. Ok? Est-ce que c'est clair jusque-là? Les indications, termine par les indications en orthopédie. Je vous cite quelques indications, malgré que les indications sont très très très variées. Je vous dis pas qu'il faut toujours essayer d'adresser le patient en rééducation à temps. D'accord ? Il faut l'adresser à temps pour pouvoir, pour qu'il y ait un résultat, c'est-à-dire le plus tôt possible. Parce que si vous gardez le malade, vous allez, il faut voir à raison, essayer de mobiliser votre membre, ensuite, dès que la formation sera toujours réadressée, ça va être vraiment très difficile de récupérer. Mais s'il est adressé à temps, le résultat sera meilleur. Okay? La première, c'est la chirurgie orthopédique à froid. C'est-à-dire bien réfléchi, c'est pas de la traumato. D'accord? Je vous donne, on est toujours dans la PR, dans la polyarthrite, une ankylose qui va entraîner un impactant, une PR qui va entraîner une ankylose de la hanche. Le rhumatologue va voir l'orthopédiste, vont discuter du cas, ils vont indiquer une prothèse de hanche et le programme, donc le malade doit être programmé pour une prothèse de hanche. Mais dans ce cas, c'est pour ça que je dis à froid. Parce que la traumato, c'est le chaud, les autres, c'est à froid. Ok? Mais dans ce cas, dans la chirurgie orthopédique à froid, normalement, le malade, il est pris en charge en rééducation avant et après l'intervention. Pourquoi? Avant, pour essayer de faire un renforcement musculaire, parce que c'est des muscles qui sont déjà faibles, et après l'intervention, qui seront plus faibles. Et la récupération, elle sera difficile. Donc, généralement, on préfère prendre le malade avant l'intervention pour essayer au moins de gagner dans la force musculaire et après le reprendre après l'intervention chirurgicale. La deuxième, bien sûr, c'est la traumatologie. Tout type de trauma, tout type de fracture aussi. Donc après ablation du plat ou après consolidation, il faut systématiquement donc adresser votre patient en rééducation fonctionnelle. Les entorses, tout type d'entorse, quel que soit le siège, cheville, genou, poignets, mains, petites articulations, tout ça aussi, donc, ont des indications de rééducation fonctionnelle. Parce que les séquelles des entorses peuvent vraiment être gênantes. Quand c'est le cas de la cheville, vous pouvez garder une instabilité de la cheville, vous pouvez garder une douleur résiduelle, okay, vous pouvez garder des muscles qui sont faibles, d'accord. Donc, après traitement orthopédique, systématiquement adresser mon patient en discipline d'hyperadaptation. La pathologie parle du guébo varicéen, des déformations déjà à la naissance. Un guébo varicéen, un tétanus, un kébabus, des pieds qui sont déformés. Et là aussi, ils trouvent leur indication en rééducation fonctionnelle.